Roxane par Léopold Sarrazor. On était en automne, alors que les jours sont encore clairs et chauds, malgré la gelée qui vient matin et soir se répandre sur la terre en un voile argenté mais glacial, qui fane et tue les dernières fleurs. Le feuillage se teint de mille nuances. De petites bouffées d'air éparpillent les feuilles rouges et mortes sur la terre et les font voltiger en tourbillons joyeux, jusqu'à travers la plaine dépouillée des fruits de l'été et de ceux de l'automne. Une après-midi, Sylvain de Bialoglovski, jeune gentilhomme d'une mâle beauté, se promenait à travers les champs de pommes de terre et de raves, le fusil sous le bras, en quête de perdrix. Tout en marchant, il finit par arriver à l'entrée d'un bois formant une dépendance du parc de Lublani. Tout à coup, une bécasse se leva et prit son vol, bas et lourd, par-dessus les sommets de jeunes sapins, élancés et gracieux, alignés et rangés avec symétrie, comme les arbres mignons et d'un vert vénéneux d'une boîte à joujoux. Sylvain tira et vit la bécasse plongée de l'autre côté d'une haie vive qui entourait le parc. Des plumes, qu'il trouva en chemin, lui disaient assez qu'il n'avait pas manqué l'oiseau. Sans réfléchir, il sauta à la haie et se mit à chercher dans les fourrés. Bientôt il découvrit sa bécasse et la suspendit à sa carnassière. Au moment où il allait sortir du parc, comme il y était entré, il jeta un regard derrière lui et s'arrêta comme pétrifié. Sous un aulne dont les branches pendantes formaient un charmant baldaquin de verdure, il y avait un banc rustique en bois de bouleau. Sur le dossier de ce banc, on avait déposé une casabaïka de velours pourpre garnie et doublée de zibelines dorées. La vue de ce vêtement, d'une élégance si aristocratique, bouleversa Sylvain et le plongea dans une foule de réflexions. Il s'approcha de l'aulne, appuya son fusil contre l'arbre et se laissa tomber sur le banc, saisi d'admiration. À qui donc pouvait appartenir cette superbe jaquette de fourrure? Le petit château de Lublani était la propriété d'une vieille demoiselle, Mademoiselle de Lopot. Était-ce pour envelopper ses vieux membres frissonnants qu'on avait ajusté ses peaux précieuses d'une si noble douceur? Ce n'était pas vraisemblable. Monsieur de Zagorski, un vieil ami de Sylvain, qui avait pour le jeune homme une affection quasi paternelle, lui avait dit un jour que Beaumarchais prétendait pouvoir deviner le caractère d'une femme à l'inspection de son soulier. « Pourquoi pas ?» se dit Sylvain, à l'examen d'une jaquette fourrée. Il se mit à passer doucement la main sur la casabaïka. Il la caressait voluptueusement comme on caresse parfois le chat qui ronronne et dont la peau étincelle et pétille. Le contact du velours et de la fourrure lui chatouillait délicieusement l'épiderme. Les poils dorés exhalaient une douce chaleur et un parfum magique. Sans le vouloir, Sylvain toucha la magnétisante fourrure de ses lèvres et poussa un léger soupir. « Non, » pensa en lui-même Sylvain, « une dame qui avait choisi cette couleur vive et ensoleillée devait être jeune et belle. Elle est aussi riche qu'élégante. Autrement, elle n'aurait pas abandonné ainsi, négligemment, sur ce banc rustique, un objet aussi précieux. Elle était certainement grande et de forme opulente. Une femme ordinaire serait comme écrasée sous l'ampleur de cette magnifique casabaïka. Sans aucun doute, elle était blonde, car ce velours et cette fourrure ne pouvaient s'harmoniser qu'avec une chevelure abondante et d'un blond doré. Le trait essentiel de son caractère était très certainement l'orgueil. La douceur et la modestie rougiraient de déployer ce luxe digne d'une princesse. Ainsi constituée, l'image de la belle inconnue avait si bien charmé Sylvain qu'il s'avoua lui-même amoureux fou de la propriétaire de cette casabaïka royale et mystérieuse et qu'il dut se faire violence pour s'arracher à sa contemplation dans la crainte d'être surpris par les habitants du château. Mais il revint le lendemain, et à partir de ce jour, il ne cessa de rôder autour du parc de Lublani, avec l'espoir de découvrir, sous les arbres à moitié feuillés, la superbe fée à la merveilleuse fourrure. Un soir que la lune avait tendu sa nappe lumineuse et fantastique sur la grande prairie du parc, et que les bouleaux qui entouraient la fontaine murmurante ressemblaient à des nonnes voilées et complètement vêtues de blanc, Sylvain aperçut enfin une forme féminine s'avancer au milieu d'une des allées sablées du parc. C'était elle, car elle portait la troublante casabaïka de velours rouge garnie de zibelines dorées. Elle approchait. Sylvain ne s'était pas trompé. Son cœur se mit à battre violemment aussitôt qu'il put contempler dans toute sa beauté cette blonde magnifique, à la taille élancée, à la démarche majestueuse. Elle abritait ses mains contre le froid déjà piquant du soir, dans les larges manches de sa casabaïka. Oui, c'était une orgueilleuse, car elle marchait lentement, à pas mesurés, portant haut, comme une souveraine, sa tête charmante et dédaigneuse. Sylvan se contentait de l'admirer de loin, discrètement. Elle passa devant lui, sans l'apercevoir. Il était émerveillé de l'élégante vivacité avec laquelle elle rejetait, de temps en temps, la courte traîne de sa robe en s'éloignant. Aussitôt rentré chez lui, il monta à cheval et courut à Godovis, chez M. de Sagorski, qu'il trouva sur le perron de son château, sa longue pipe turque à la main. Avant même d'arriver jusqu'à lui, il lui cria « Quelle est donc la grande jeune femme blonde si belle que je viens de voir dans le parc de Dublany ?»« Ce ne peut être que la nièce de Madame de Lopotte, » répondit Zagorski avec un sourire moqueur. « Elle a donc une nièce. Mais oui, Mademoiselle Roxane de Kaberov. » Cependant, Sylvan était descendu de cheval et était entré au salon avec M. de Zagorski. Ce vieux monsieur était un superbe représentant d'autrefois, de ce bon vieux temps où il n'y avait pas encore de chemin de fer, où les châtelains étaient encore des demi-dieux. Pendant sa jeunesse, il avait été officier sous Napoléon et avait pris part aux combats sanglants autour du village et du château de Dölitz lors de la bataille de Leipzig. Le petit ruban rouge de la Légion d'honneur brillait à la boutonnière de la redingote à brandebourgs de cet octogénaire, dont la figure ronde et souriante était fraîche et rose comme celle d'un enfant. M. de Zagorski invita son jeune ami à passer dans sa chambre, ornée d'une façon bizarre, presque fantastique, d'armes, de pipes et d'une collection variée d'oiseaux et d'animaux tués à la chasse. Zagorski offrit un cigare à son visiteur et se mit à tordre sa moustache en souriant et en fixant ses yeux bleus, spirituels et tendrement railleurs, sur le jeune homme. « Eh bien, monsieur le jeune bienfaiteur, te voilà donc enfin tombé amoureux ?»« Ma foi, je crois que oui. » On ne saurait t'en faire un reproche, au contraire. Il me semble que tu as suffisamment attendu. Croyez-vous, demanda Sylvan, que la belle Roxane soit encore libre? Elle est bien belle, n'est-ce pas? Oui, certainement, elle est très belle, dit Zagorski, toujours souriant. Et libre, je crois qu'elle l'est aussi, mais il ne faudrait pas te figurer que l'affaire soit si facile. Il y a donc un obstacle? Il y en a même plusieurs. D'abord, les raisons qui unissent très intimement la nièce à la tante. Roxane est d'une très bonne famille, mais elle est pauvre. Mademoiselle de Lopotte la traite comme son héritière désignée. Elle l'aime comme tante, mais aussi pour sa beauté. Elle se réjouit à la vue de cette belle créature, comme elle ferait en admirant un chef-d'œuvre d'art. C'est pour cela qu'elle gâte tant sa jeune nièce et qu'elle la vit avec tant de magnificence, tout en la tenant en quelque sorte prisonnière, comme une princesse charmante, de crainte qu'un homme ne vienne la lui enlever. Tu comprends ? Parfaitement. Une autre difficulté, c'est le caractère de cette jeune fille. Roxane est d'un orgueil sans pareil. Il est vrai que ce défaut, si c'en est un, est tempéré et même justifié par un esprit très supérieur, uni à un courage singulièrement viril. Mais alors, s'écria Sylvan enthousiasmé, Roxane n'est pas seulement la plus belle, elle est aussi la plus intéressante, la plus accomplie, la plus ravissante créature. C'est aussi mon avis, dit gravement Zagorski en tirant de gros nuages de sa pipe. D'ailleurs, tu sais que je connais bien les femmes. Je suis sûr qu'au fond, Roxane est tout à fait bon enfant. Nous pouvons donc tenter la fortune. Alors, conseillez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Doucement, nous verrons. Cela dépendra des circonstances. Je te présenterai moi-même au château. Mais avant tout, tâche à tout prix de parler à Roxane. Ce n'est pas une affaire, elle ne te mangera pas. Tant pis, par l'adorable Roxane, je me laisserai manger très volontiers. Son fusil sur le bras, Sylvan se remit à rôder autour de Dublany. Mais la belle blonde devenait invisible, la casabaïka aussi. Il commençait à désespérer quand, un soir, il aperçut tout à coup les cheveux dorés qui brillaient au milieu de la verdure des sapins. Il s'approcha le plus possible et tira un coup de fusil en l'air, sur un gibier supposé. Roxane s'arrêta naturellement, sans manifester aucune surprise, tourna vers lui sa figure aux traits nobles, toute rayonnante des vives et fraîcheurs couleurs de la jeunesse, et le regarda fièrement, d'un air qui semblait presque du défi. Sylvan fit semblant de sortir d'un fourré, ôta sa casquette et demanda pardon à la jeune fille de l'avoir peut-être effrayée. « Je ne m'effraie pas pour si peu, » répondit-elle avec beaucoup de calme. « Cependant, je vous engage à faire attention. »« Vous avez raison, mademoiselle. Il y a des hasards si malheureux. Mais il y en a aussi d'heureux. Le plaisir de vous rencontrer est de cela. » Roxane eut un mouvement de tête menaçant. Ses yeux s'assombrirent et son front se plissa. Un mot peu bienveillant allait peut-être s'échapper de sa bouche dédaigneuse, mais Sylvain la prévint. « Pardon, mademoiselle. Dans le trouble que m'a causé votre gracieuse apparition, j'oubliais de me présenter. Sylvain de Bialoglovski. »« Ah, vous êtes un parent de M. de Zagorski, » dit Roxane, subitement déridée, presque gracieuse. « Je me souviens de l'avoir entendu parler de vous. » « Oui, mademoiselle, j'ai l'honneur d'être son ami et même un peu son parent. » Roxane lui fit de la tête un signe d'adieu et se disposait à s'éloigner. « Pardon, mademoiselle, oserais-je vous demander la permission de vous accompagner quelque part ?»« Mais, monsieur, votre compagnie m'est complètement inutile, et ma tante verrait d'un très mauvais œil votre présence ici. Est-ce qu'il me faudrait renoncer au doux espoir de vous revoir ? Ce serait bien cruel. Est-ce qu'il ne serait pas possible, sans contrarier madame votre tante ?» « C'est possible, » interrompit vivement la belle-fille, « mais ce que je ne puis faire aux yeux de tous, je ne le ferai jamais. »« C'est un principe très noble, mademoiselle, » dit Sylvain en s'inclinant et faisant un pas en arrière. « Adieu, monsieur, » dit Roxane en s'éloignant. Il la suivit longtemps des yeux, tant qu'il put percevoir la plus petite lueur du velours rouge et des tresses dorées. Ensuite, il retourna lentement chez lui. Sylvain se dit en s'en allant que si Roxane était si fière, ce n'était pas un mal, et qu'elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. À son premier regard, le cœur du jeune homme s'était accroché comme à un hameçon. Sylvain sentait qu'il était maintenant le prisonnier de cette fière beauté, mais il était assez maître de lui pour songer à la prudence et comprendre qu'il devait laisser faire son ami, le vieux héros de Dölitz. En apprenant ce qui s'était passé entre Roxane et son protégé, le spirituel vieillard félicita l'amoureux en l'assurant que ce n'était pas mal du tout pour un début. « Maintenant, » ajouta-t-il avec son bon sourire et en se frottant les mains, « ne bougeons plus. Laissons passer une semaine là-dessus. Dans 8 jours, nous enlèverons du blanis d'assaut. » Les 8 jours s'étaient écoulés et Sylvain n'avait pas encore reparu aux environs du parc. Cette tactique appartenait plus à son mentor qu'à lui. Enfin, le jour qu'il désirait tant arriva. Par une après-midi froide mais tout ensoleillée, Sylvain descendait de voiture avec son vieil ami devant le petit château de Dublany. Cette visite ressemblait fort à une surprise voulue, car Zagorski n'avait guère prévenu Madame de Lopotte, et celle-ci ne put qu'à grand-peine dissimuler son inquiétude et son ennui quand elle entra au salon enveloppée dans un châle rouge. Mademoiselle de Lopotte était une petite personne avec une figure où se distinguaient, avant tout, 2 petits yeux enfoncés, toujours au guet. Sa chevelure, sombre et mince, était arrangé en tire-bouchon, comme aux environs de 1830. Sa conversation rappelait les héroïnes des romans de la jeunesse de George Sand. Un peu après sa tante, Roxane entra au salon, vêtue d'un peignoir de soie bleue, style Louis XV, richement garni de dentelles blanches. « Je suis enchantée de faire la connaissance de votre jeune parent, » dit mademoiselle de Lopotte, « mais nous ne pouvons lui offrir aucune distraction. Je suis vraiment désolée, mais nous vivons tellement seuls. » « Sylvain n'est pas un mondain, » répliqua gravement Zagorski. « Il est au contraire très sérieux. Il ne s'occupe guère que de questions scientifiques. »« Monsieur aime aussi attirer les bécasses, » dit Roxane en souriant. « C'est encore dans un but scientifique, » expliqua Zagorski. « Tout le gibier qu'il tue est aussitôt empaillé pour faire partie de son musée scientifique. Hein ? Et au fond, c'est un misanthrope. Je crois même qu'il est un peu misogyne. »« Oh, que me dites-vous là ?» s'écria mademoiselle de Lopotte avec un soupir de soulagement, tandis que Roxane affectait de regarder avec beaucoup d'intérêt la pointe brodée de sa petite pantoufle de velours. « Oui, mademoiselle, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. C'est au point que j'ai eu toutes les peines du monde à le décider à venir avec moi. » Sylvain fit un mouvement. « Ce n'en est que plus flatteur pour nous, » dit mademoiselle de Lopotte, décidément tout à fait rassurée. Depuis ce jour, Sylvain revint souvent à Dublany, mais presque toujours en la compagnie de Zagorski. « Cela me rappelle, » disait le spirituel vieillard, avec son sourire plein de bonhomie, « la scène du jardin dans Faust. Seulement, c'est moi qui joue le rôle de Méphistophélès et mademoiselle de Lopotte, celui de Marthe. » La scène du jardin s'était déjà répétée bien des fois, sans que les affaires de Sylvain en fussent plus avancées. Roxane ne lui permettait pas la plus innocente familiarité. Sans blesser la dignité du jeune homme, elle savait le tenir à distance. La première fois qu'il voulut l'aider à passer sa casabaïka, elle s'y refusa poliment. « Non, non, merci, » dit-elle avec un sourire très fin. « Celui qui accepte un service ne tarde pas à devenir l'esclave de son serviteur. Un autre jour, Sylvan exprima l'avis que le peignoir bleu de Roxane allait admirablement bien avec sa chevelure blonde. « Pas de flatterie, » interrompit-elle, « autrement je serais capable de couper moi-même cette chevelure. » Un soir, en se promenant avec elle dans le parc, à l'heure du crépuscule, il se mit à réciter la belle chanson du soir du chasseur de Goethe. « En songeant seulement à toi, je crois regarder la lune. » Roxane l'interrompit encore, toujours en souriant. « Si vous songez à moi, ne vous figurez pas voir la lune, noble chasseur scientifique, mais plutôt une chatte qui se sauve furtivement à travers les champs. Mais il n'y a aucun rapport entre vous et une chatte. Il y en a beaucoup, au contraire. D'abord la fourrure, puis les griffes, car moi aussi, je peux très bien égratigner. » Une autre fois, il lui demanda si elle jouait du piano. « Non, » répondit-elle en cachant ses mains dans les larges manches de sa casabaïka. « Il y a quelque chose de trop efféminé dans la musique. Je veux être forte, la vie est dure, et je ne la trouve pas du tout musicale. » Enfin, se promenant un jour à cheval tous les deux, il vint à Roxane la fantaisie de sauter un fossé d'une largeur exagérée. Elle eut beau encourager son cheval par des mots caressants, lui appliquer même des coups de cravache, il s'y refusa. Sylvan, redoutant un accident, voulut s'emparer des brides pour lui faire prendre une autre direction. « Non, non !» s'écria Roxane. « Quand je veux quelque chose, il faut qu'on m'obéisse. Je ne cède jamais. » Puis elle rebroussa chemin, prit du champ, lança son cheval en le cravachant tour de bras, et le fossé fut franchi. « Voyez, monsieur, voyez » dit-elle avec un sourire plein d'orgueil. « Vous auriez pu vous rompre le cou, » dit froidement Sylvan. Roxane haussa les épaules en éclatant de rire. « Elle a vraiment le diable au corps, » se dit le jeune homme. « Zagorski a raison. » Le lendemain, le maître dit à l'élève, « Nos affaires ne marchent pas. Tu devrais être plus avancé. » L'amour, a dit un certain auteur, naît du contact de deux épidermes. Cela est presque toujours vrai. Du moins, je l'ai observé très souvent. Trouve donc quelque chose à un prétexte quelconque. Tu as trop d'esprit pour ne pas imaginer un moyen. Il ne s'agit que d'établir une certaine intimité entre Roxane et toi. » À la visite suivante, Sylvan apporta dans sa poche un grand scarabée. Tandis que Zagorski, fidèle à son rôle, se perdait avec Mademoiselle de Lopote derrière un carré de vigne en espalier, Sylvan se trouva seul avec Roxane dans un sentier étroit entre deux haies de groseilliers verts. Pendant qu'elle marchait devant lui, majestueusement, il ouvrit rapidement son cornet et s'écria « Quelle horreur ! Permettez, mademoiselle, ne bougez pas, je vous en prie. Vous avez là, sur votre cou, un affreux insecte. » Roxane fit un brusque mouvement d'effroi. « Ah, mon Dieu !» continua Sylvan. « Il m'a échappé. Vous devez le sentir par là, sous votre fourrure. Permettez encore, un seul instant. Ah, je le tiens !» Pendant qu'il écartait un peu la casabaïka, touchant de ses doigts le cou rose de la jeune fille, elle ne bougea pas, mais en lui présentant le scarabée, il observa avec plaisir qu'elle avait vivement rougi. Sylvan fit plus tard la remarque qu'elle s'était tenue les yeux baissés durant presque toute la soirée, et qu'elle ne parlait plus avec son assurance habituelle. Décidément, pensa le jeune homme, ce bon Zagorski est un homme d'expérience et un charmeur. En effet, depuis le stratagème du scarabée, Roxane semblait comme métamorphosée. Quand ses beaux yeux bleus rencontraient ceux de Sylvan, ce qui arrivait souvent maintenant, celui-ci n'y lisait plus le défi et la raillerie comme autrefois. Lorsque, par hasard, leurs mains se touchaient, elles devenaient pourpres aussitôt. On était maintenant en plein hiver. Le vent d'est soufflait, glacé, sur la plaine couverte d'une neige profonde et chantait des airs mélancoliques dans les chemins surannés du château de Dublany. Les deux femmes restaient confinées à la maison, s'occupant de lecture et de ces petits ouvrages manuels qui sont généralement négligés en été. Pour le moment, Roxane était occupée à confectionner un tapis de table au crochet. Une après-midi que Sylvan venait d'arriver, elle laissa tomber son crochet. Sylvan se précipita pour le ramasser, mais il arriva trop tard. La belle blonde l'avait devancé. « Vous ne me permettez pas le plus petit plaisir, » dit le jeune homme d'un ton fâché. Roxane sourit, et quelques instants plus tard, le crochet lui glissa encore une fois des mains. Sylvan, cette fois, fut le plus prompt. « Êtes-vous content maintenant ?»« Oui, mademoiselle, je suis content et je vous remercie. » « Cela vous ferait donc bien plaisir, si je vous laissais jouer auprès de moi le rôle de serviteur ?»« Vous me le demandez ?»« Eh bien, » dit-elle, « à partir d'aujourd'hui, je veux vous traiter comme mon esclave. Si vous faites cela, vous me rendrez le plus heureux des hommes. D'ailleurs, je ne peux me figurer autrement mes relations possibles avec un homme. Quiconque voudrait vivre dans mon intimité, soit comme ami simplement, soit comme... Achevez donc. Eh bien, soit comme mari, devra se résigner à subir mon joug. D'ailleurs, je ne consentirai à me subordonner à lui. Ah, votre joug serait si doux que chacun serait heureux de le porter. À ce moment, Mademoiselle de Lopot entra et mit fin à la conversation. Mais en prenant le thé, Roxane demanda plusieurs petits services à Sylvan. L'amoureux faisait de rapides progrès. Monsieur de Zagorski l'en félicita en quittant Dublany. Un incident qui survint quelques jours plus tard donna fort à penser à Zagorski et lui suggéra un nouveau stratagème. Une des plus belles poules de la basse-cour, la favorite précisément de Mademoiselle de Lopot, avait disparu. La châtelaine en versa de chaudes larmes. On supposa que c'était un renard qui l'avait emporté. Roxane ordonna de placer un piège dans le poulailler. Dans la même nuit, les habitants du château furent réveillés par des cris pitoyables entremêlés de jurons dignes d'un païen. Plus de doute, le voleur de poules était un bipède et il venait de se prendre au piège. Personne, excepté Roxane, n'osait sortir. Sans hésiter, elle passa rapidement une grande pelisse fourrée, s'enveloppa la tête d'un bachelique et se dirigea vers le poulailler, une lanterne d'une main, un revolver de l'autre. Elle trouva prise au piège un jeune cigane qui, en l'apercevant, se mit à gémir et à la supplier de lui faire grâce. « Non, non, » dit-elle, « je veux te punir. Tu vas rester là jusqu'à demain matin. » Le lendemain, quand elle le fit mettre en liberté, le pauvre diable eut toutes les peines du monde à faire usage de ses jambes. C'est cet incident qui avait fait réfléchir Zagorski. « Ce n'est pas seulement l'orgueil que tu auras dominé en cette jeune fille, » dit-il à Sylvan, « il te faudra aussi avoir raison de son courage. C'est une véritable Brunhild, froide comme la glace et valeureuse comme un ours, ainsi que le fut cette ancienne reine d'Islande. Je ne sais qu'un moyen de la dominer, lequel. Puisque c'est l'orgueil qui la possède, c'est par l'orgueil qu'il faut la prendre et l'amener à se jeter d'elle-même dans tes bras. Comment cela? Je ne sais pas encore, il faut y songer. Le hasard peut en fournir l'occasion, c'est souvent lui qui nous inspire. Dieu veuille qu'il nous vienne en aide. Ce qu'il faudrait, ce serait trouver l'occasion de la mettre dans une situation telle que son orgueil et son courage lui fissent défaut, au moins pour un moment, et qu'elle se sentit profondément humiliée, mais en ta présence seulement. Malheur à toi si une seule personne autre que toi pouvait en être témoin. Elle ne te pardonna jamais d'avoir eu à rougir devant un tiers. Je comprends. Eh bien, si tu comprends, fais appel à toute l'ingéniosité de ton esprit, mais sois la prudence même. » 8 jours plus tard, un matin, M. de Zagorski, consultant son baromètre, vit qu'il y avait une menace de tempête dans l'air. Vite, il ordonna d'atteler son traîneau, s'habilla en toute hâte et partit pour Lesnovia, le château de Sylvan. « Qu'est-ce qui vous amène de si bonne heure, mon vieil ami ?» demanda le jeune homme, très étonné. « Qu'est-il arrivé ?»« Rien encore, » dit l'excellent homme, avec un sourire très rassurant, et en s'étendant voluptueusement dans un moelleux fauteuil. « Mais il pourrait se passer, d'ici à demain, quelque chose d'important. C'est pourquoi me voilà. Je serais très curieux. » L'aimable vieillard souriait toujours, mais il ne paraissait pas pressé de satisfaire la curiosité de son jeune ami. Tenant le long tuyau de sa pipe à la main, il avait tiré de sa poche le fourneau rouge. Quand il eut bien ajusté ces deux objets, il sortit d'une autre poche sa blague à tabac richement brodée, bourra sa pipe d'excellent tabac jaune de Turquie, l'alluma à l'aide d'un briquet et se mit à fumer d'un air ravi. « Mais enfin, que doit-il se passer ? » demanda Sylvan, très agité. « Voilà. Je m'attends à une tempête aujourd'hui. Il faut partir tout de suite pour Dublany. Pourquoi tout de suite ? Comment, tu ne devines pas ? Une fois chez Mademoiselle de Lopot, si la tempête survient, qu'arrivera-t-il ? Eh bien, il arrivera que nous serons pris par la neige, et qu'on sera obligé de nous y faire passer la nuit. « Mais c'est une idée sublime, délicieuse !» s'écria Sylvan, enthousiasmé. « Oui, mais... » ajouta le jeune homme, devenant subitement inquiet. « Quel prétexte donnerons-nous pour nous présenter de si bonne heure à Dublany ? Si la tempête ne vient pas, quel autre prétexte donnerons-nous pour prolonger si longtemps notre visite ? D'abord, nous nous arrêtons chez le curé de Dublany. C'est un de mes vieux amis. Nous restons là. S'il le faut, pour tuer le temps, nous jouons au durbalec. Et aussitôt que le ciel commence à s'assombrir, nous courons au château. C'est parfait. Alors habille-toi vite, car la tempête peut tarder jusqu'au soir, mais elle peut aussi bien survenir dans une heure. Il se peut encore que le diable s'en mêle, pour que tu ne trouves pas, pendant ce temps, l'occasion de triompher. » Il était 6 heures du soir lorsque le traîneau de Zagorski entrait dans la cour du château de Dublany. À pareille heure, la visite n'avait rien d'insolite. Un quart d'heure après, la tempête éclata, furieuse. C'était un de ces ouragans qui soulèvent la neige, la font tourbillonner, la ramassent en tas énormes, qu'ils poussent devant eux comme les vagues de l'océan, et ensevelissent quelquefois, sous cette froide hermine, des villages entiers. En quelques minutes, Dublany était entouré de remparts éblouissants, et Mademoiselle de Lopot déclarait, avec force soupir, que s'aventurer par ce temps dans la campagne ne serait pas seulement dangereux, mais absolument impossible. « Par conséquent, ajouta-t-elle, ces messieurs sont condamnés à accepter sous mon toit une hospitalité que je leur offre de grand cœur. Nous en sommes profondément reconnaissants, dit Zagorski, mais ce contretemps va sans doute bien contrarier Sylvan. Figurez-vous qu'il est en train d'écrire un traité sur les habitudes nuptiales des scarabées aquatiques. Il y consacre tous ses instants. Or cela, rien n'intéresse. Mais que faire? Trop heureux encore d'être vos prisonniers, mesdames. Roxane regardait Sylvan la dérobée, tandis que sa main passait et repassait doucement sur la zibeline dorée de sa casabaïka. Ils jouèrent au mariage à 4 jusqu'à près de minuit, puis chacun se retira pour aller se coucher. Aussitôt dans sa chambre, Sylvan alluma un cigare et s'installa confortablement pour fumer dans un petit fauteuil bas. Il était là depuis quelque temps déjà, quand il lui sembla avoir entendu un cri perçant du côté de l'aile du château où se trouvaient les chambres de ces dames. Il sortit précipitamment et avança dans le corridor, où un épais tapis assourdissait les pas. Il s'arrêta pour écouter. Aussitôt, un cri féminin partit d'une chambre voisine, suivi d'un appel au secours. La porte était là, tout près. Un instant, il hésita, puis il entra hardiment. Le tableau qui parut à ses yeux, tableau à la fois comique et dramatique, le rendit muet d'étonnement. Vêtu seulement d'une longue pelisse qui l'enveloppait jusqu'au talon, et qu'elle avait dû être obligée de passer précipitamment. Sa belle chevelure blonde à la Brunhilde flottant sur ses épaules, Roxane, pâle et tremblante d'effroi, était debout sur une table au milieu de la chambre comme une statue sur son socle. À 2 pas, en face d'elle, perchée sur le bord d'un divan, une jolie petite souris grise examinait attentivement la grande belle fille de ses petits yeux noirs, vifs, intelligents et pleins de curiosité. « Ah, c'est vous! Dieu soit loué de vous avoir envoyé à mon secours !» s'écria la superbe Amazone, jusque-là si fière et si dédaigneuse du danger, maintenant terrassée par la peur et si humble. « Vite, vite, sauvez-moi de cette affreuse bête !»« Mais elle n'est pas affreuse du tout, cette petite bête, elle est même très gentille. Regardez-la donc bien, on dirait qu'elle est en train de faire sa toilette. » En effet, la jolie petite souris venait de se dresser sur ses pattes de derrière, comme un écureuil, et s'occupait activement de lisser sa peau soyeuse, nullement effrayée. « Non, non, je vous en prie !» s'exclama la jeune fille avec un geste de désespoir. « J'ai une invincible aversion pour ces animaux. Si cette bête approche de moi, je tombe évanoui. » Alors, Sylvan saisit sur la cheminée la cravache de Roxane, et une chasse joyeuse, féroce, insensée commença à travers la chambre. Il semblait que la petite souris prit un malicieux plaisir à éviter la cravache de Sylvan pour venir sans cesse bondir autour de Roxane. Du divan, elle sautait sur un fauteuil, de là sur la toilette, puis elle allait respirer un instant sous le lit. Chassée de ce refuge, elle filait vers un autre, mais toujours en passant sous la table où s'était réfugiée la blonde Brunhilde. Et chaque fois, celle-ci poussait un cri de terreur et se mettait à trembler de tout son corps. Enfin, la malicieuse petite bête se décida à sortir par la porte restée entr'ouverte, que Sylvan s'empressa de fermer derrière elle. Puis, avec un sourire où perçait un peu d'ironie, le jeune homme tendit les deux mains à Roxane pour l'aider à descendre. Mais elle n'osait pas encore quitter son refuge. « Est-elle vraiment partie ? » demanda-t-elle d'un air encore tout effrayé. « Rassurez-vous, mademoiselle, le petit monstre a pris la fuite, et il doit être loin. » Alors elle se décida à descendre. Sylvan allait se retirer, après s'être incliné en souriant toujours d'un air légèrement moqueur, mais elle le retint. « Monsieur de Bialoglovski, dit-elle en tombant anéanti dans un fauteuil, « qu'est-ce que vous devez penser de moi ? » « Mais, mademoiselle, rien de mauvais, je vous assure. » « Avouez que je viens de me montrer absolument ridicule. Je pleurerais toutes les larmes de mon corps si je n'étais pas tant en colère contre moi. Vous auriez tort de prendre trop au sérieux ce petit intermezzo comique. Hélas, ne dites pas cela. Je vois déjà dans vos yeux combien j'ai perdu dans votre estime. Calmez-vous, Roxane, je vous en prie. » dit Sylvan, devenu tout à coup grave et ému, en s'emparant d'une petite main qu'elle lui abandonnait sans la moindre résistance. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. J'étais justement renommé pour... Maintenant, que dira-t-on de moi si vous... Si j'osais... Si vous vouliez... Il lui jeta un long regard qui semblait l'implorer. Parlez, Roxane, expliquez-vous sans crainte. Eh bien, si vous êtes un homme d'honneur, s'écria-t-elle avec un accent de dignité hautaine, de fierté indomptable, vous devez m'épouser. Quand même, je vous serai complètement indifférente. Vous épousez Roxane ? S'écria Sylvan éperdu. Mais vous ne savez donc pas que je vous aime depuis le premier moment que je vous ai vu ? Vous ne l'aviez donc pas compris ? Qu'est-ce que j'entends, Sylvan ? Est-ce possible ? Ce que vous dites est-il bien vrai ? Sylvan ne répondit qu'en se jetant à genoux aux pieds de la belle Roxane et en pressant amoureusement de ses lèvres les jolies pantoufles brodées d'or qui renfermaient ses pieds mignons. Elle était profondément émue. Soudain, elle saisit brusquement la tête de Sylvan et l'embrassa longuement. « Oh, Roxane, combien vous me rendez heureux !»« Ce n'est pas moi, c'est la souris, » murmura-t-elle avec un joli petit rire plein de tendresse. « Maintenant, » ajouta-t-elle, « il faut nous quitter. »« Je vous obéis, » répondit Sylvan. « C'est votre devoir, » dit-elle en prenant un air à la fois sérieux et moqueur. « N'oubliez pas que, devenu mon mari, vous devenez en même temps mon esclave. »« C'est entendu, charmante Roxane, votre esclave toujours, jusqu'à la fin de ma vie. » Il baisa tendrement la main de sa future et sortit de la chambre. Le lendemain, il y eut une série de scènes et de discussions orageuses, mais Mademoiselle de Lipote finit par comprendre que ce qu'elle avait du mieux à faire, c'était de se résigner à ce qu'elle n'avait pas pu éviter. Elle donna donc son consentement à l'union de sa nièce avec Sylvan de Bialaglovski à une seule condition, c'était que le jeune couple demeurait avec elle, ce à quoi Sylvan consentit très volontiers et la semaine suivante on envoyait les lettres de faire part. Le mariage fut célébré à Dublany avec une grande pompe. Le costume polonais était de rigueur pour tous les invités. La mariée fit l'admiration générale dans sa magnifique robe de soie blanche garnie d'hermine royale. Le bon monsieur de Zagorski était superbe dans son contouche bleu, la carabella au côté et la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine. Ce fut lui qui eut l'honneur de conduire la mariée à l'église. Comme maréchal de la noce, il présida à tous les divertissements. Il organisa et dirigea la traditionnelle polonaise, que l'on vit se dérouler joyeusement d'étage en étage, comme au bon vieux temps, les uns montant, les autres descendant les escaliers. Il porta un toast à la santé des jeunes époux et but galamment dans le mignon soulier de la mariée. Sa gaieté et son esprit étaient intarissables. Parmi les fines plaisanteries dont il égaya toute la noce, la plus réussie consista en une terrine couverte qu'il offrit à Roxane au milieu du cotillon. La jeune femme s'empressa de soulever le couvercle et poussa un grand cri. La terrine contenait une jolie petite souris grise. Heureusement, celle-là n'était qu'en sucre. Ainsi s'achève Roxane de Léopold von Sacher-Masoch.